quand on veut désigner la source, on se rend compte qu'on a, pour l'ensemble de la Provence, en fait, deux façons de désigner la source. Ce qui est souligné en bleu, et vous, vous en voyez très bien la répartition, c'est l'intérêt de la géographie linguistique que de montrer la répartition des termes sur le terrain. Ce qui est souligné en bleu, c'est tout ce qui se rattache au type source. Hein? Et c'est du latin, c'est ce qui a donné la source en français également, c'est l'origine, c'est le latin surgiré. Et tout ce qui est entouré de vert se rattache au type fond ou fond, selon la prononciation, avec la forme alpine fontane, hein, que vous trouvez dans les Hautes-Alpes et que vous trouvez également dans les Alpes-Maritimes, partie montagneuse des Alpes-Maritimes. Voilà deux manières, si vous voulez, en dialecte traditionnel, de désigner la source telle qu'on l'a relevée dans nos enquêtes, et ce sont deux types lexicaux que l'on retrouve également dans tous les textes anciens. Les deux termes semblent coexister. Ils coexistent aujourd'hui, puisque les enquêtes, disons, sont contemporaines. Les enquêtes ont été faites, grosso modo, entre 1950 et 1970, donc c'est une période très récente.